C'était le repêchage de la Ligue nationale de football et il y a eu, on va faire l'analyse des gagnants et des perdants selon notre collaborateur Alexandre Gauthier. Salut Alex. Salut Denis. Alex, d'abord, écoute, je suis sur le site de CBS Sports actuellement et c'est sûr qu'on les connaît pas tous les joueurs. On suit la NCAA, on connaît les principaux, là, mais écoute, il y a 9 rondes, là. Non, 7 rondes. 7 rondes, oui. Donc, on ne connaît pas tous les joueurs, mais selon CBS Sports, écoute bien ce qu'on dit. Dans les gagnants, on met les Cards de l'Arizona. On dit qu'avec John Rosen, c'est un excellent choix en 10e. On met les Giants de New York. On met également les Browns de Cleveland. On met les Broncos de Denver. Gagnant. Tu es d'accord avec ça? Ben, comme je te dis à chaque année qu'on fait ce petit bilan de repêchage-là, on peut dire que c'est des gagnants une journée après, mais on se rend compte finalement après 2 ans qu'il y a la moitié des joueurs qui font déjà plus partie de l'équipe. Donc, je mets toujours ben des bémols à ce niveau-là. Mais c'est sûr que les Broncos, c'est un nom qui arrive régulièrement. Honnêtement, les Broncos, c'est un peu par accident qu'ils sont parmi les gagnants. Pourquoi? Parce que il y a Chubb qui leur est tombé comme ça dans les mains au 5e rang, alors que les Browns ont causé la surprise en prenant Denzel Ward, demi-de-coin d'Ohio State. C'était le meilleur demi-de-coin disponible, semble-t-il. Moi, j'avais des doutes là-dessus. J'aimais mieux Jair Alexander, mais quand même, semble-t-il que c'est le meilleur press corner, qu'on appelle en anglais, donc pour faire obstruction au receveur de passe. Et là, les Browns ont choisi celui-là. Ça fait que Chubb est arrivé aux Broncos, ils ont repêché deux receveurs de passe qui sont dans le même modèle de ce qu'ils ont actuellement avec Demaryius Thomas et Sanders. Donc, en Courtland Sutton qui est le receveur de passe format géant. Donc, ne serait-ce que pour ça, tous les gens disent que les Broncos se sont bien débrouillés. Puis moi, chez les Broncos, je te dirais d'observer attentivement le porteur de ballon d'Oregon, Roy Freeman, tu vas entendre parler de ce nom-là. OK. Juste pour terminer sur les Browns, moi je les classe aussi parmi les gagnants parce qu'ils ont repêché le meilleur carrière disponible, comme je te l'avais mentionné lors de notre chronique avant le repêchage. Baker Mayfield, ils ont fait le meilleur choix. J'ai pas aimé le choix de Denzel Ward, mais par contre, ils se sont ramassés avec d'excellents joueurs, entre autres le porteur de ballon de Georgie, qui est Nick Chubb. Tu n'as peut-être pas souvent entendu parler, mais ça, c'était la recrue numéro 1 aux États-Unis quand il est sorti des écoles secondaires au niveau des porteurs de ballon, et ça peut être un coup de circuit là, pour les Browns. OK. Dans les perdants, toujours selon CBS Sports, on met les Raiders d'Oakland. Ça, c'est décevant. J'ai vu toutes les cotes. J'allais sur NFL.com. C'était C-, C+. On dit qu'on a mal repêché. Les Saints de la Nouvelle-Orléans, on les met comme étant perdants également. Et j'ajouterais même les Pats de la Nouvelle-Angleterre. Ça, c'est Danny Veilleux qui dit ça, parce que les Pats... c'est incroyable. Là. Ils ont repêché un carrière en 7e ronde, mais ils jouent vraiment avec le feu, les Pats. Tom Brady, là, c'est quasiment un dieu, c'est vrai, mais il a 42 ans. Il va avoir 42 ans l'an prochain. 41, puis il va avoir 42 à l'ouverture. Puis t'as Brian Hoyer. Ils ont même pas été chercher un carrière comme joueur autonome, tu sais, genre de Teddy Bridgewater. Quelqu'un là qui est pas assez bon pour être trop bon pour être deuxième, pas assez bon pour être premier. Puis ils ont même pas repêché la 7e ronde. Regarde, la 7e ronde, c'est une vraie joke. C'est pas à cause que Tom Brady a été 199e rang que ça va faire tout le temps ça, là. Je suis très déçu des Pats, moi. Écoute, je pense que c'est le sentiment général là du repêchage des Pats. Je te dis pas que ce qu'ils ont repêché, je pense que le 23e choix, Isaiah Wynn, le bloqueur de Georgie, ça va être un excellent joueur, ça. Écoute, puis il n'y avait pas le choix de repêcher un joueur de ligne assez tôt pour remplacer Nate Solder, là, que vous avez perdu les Patriots aux Giants de New York. Mais puis Sonny Michel, le porteur de ballon de Georgie, au 31e rang, c'est un bon choix, mais il faut pas oublier, Danny, que le 32e choix appartenait aux Eagles a été échangé aux Ravens pour Lamar Jackson. Ouais. Et moi, je pense que les Patriots auraient été tout approprié pour repêcher Lamar Jackson. Remarque, j'en suis bien content, mais j'avais une Moses de peur d'ailleurs qui repêche Lamar Jackson. Mais ne serait-ce que pour ça, de pas avoir repêché un carrière. Écoute, le seul carrière qu'ils ont repêché, c'est Danny Etling de LSU. Septième ronde. Et Danny Etling de LSU, On disait que les problèmes de LSU, pourquoi les joueurs de LSU étaient pas capables de se faire repêcher plus tôt, c'est qu'il y avait tous des problèmes, les joueurs d'attaque, c'est que c'est le corps arrière qui était le problème de l'équipe. Puis là, on s'en va le repêcher en septième ronde. Tu me diras, c'est un guess qu'on prend. Il a un bon bras, assez athlétique quand même, grand garçon. Bon, parfait. Mais il est pas capable de subir la pression et il lance des interceptions comme c'est pas possible, c'est pas permis. Ça fait que je pense que Bill Belichick a de l'ouvrage avant de le transformer en Tom Brady. Et en même temps, qui qu'on est pour critiquer Bill Belichick lorsqu'on garde son record? Ouais. En tant que partisan des Pats, on peut pas blâmer. Mais quelqu'un sur mon Facebook en fin de semaine a mis quelque chose, puis je te l'ai dit en fin de semaine également, puis ouais. J'ai trouvé ça tellement bon. Ils me font passer aux Alouettes quand Anthony Calvillo. Je pense que le remplaçant va être peut-être plus difficile. Moi, je pense qu'il aurait dû repêcher un corps arrière plus tôt cette année pour le développer, là, ne serait-ce que le préparer un an. Puis que ce corps arrière-là, faut pas oublier, Danny, que ce corps arrière-là a eu l'opportunité de voir en action Tom Brady travailler dans les salles d'études, de films et tout ça. Ça aurait été extraordinaire pour lui. Et ils ont passé à côté d'une quantité de corps. Je pense même que, puis si on parle des Patriots, ça va me permettre de venir sur les Giants en même temps. Ouais. Moi, je pense que les Giants ont fait ça parfaitement. J'ai pas aimé le deuxième choix qu'ils ont repêché, Saquon Barkley, pas parce qu'il était pas bon, parce qu'il aurait pu reculer d'une coupe de rang puis le repêcher pareil. Mais les Giants ont repêché Kyle Loletta. Si là t'as un Jimmy Garoppolo à retenir cette année là, ou un David Carr de ce monde ou peu importe, ça va être Kyle Loletta qui a été pris 108e par les Giants. Il a eu le temps de maturer une ou deux années derrière Eli Manning. Mais c'est un corps arrière extraordinaire que j'ai vu dans le Senior Bowl qui était très très bon. Une des belles performances que j'ai vues. Okay. Donc, à retenir. Mais c'est pas Mason Rudolph que tu disais que... Oui, lui aussi, je l'aime bien. Il a été repêché par les Steelers de Pittsburgh, mais lui, il a été repêché au rang qu'on pensait qu'il allait être repêché, c'est-à-dire en deuxième ronde. Mais Kyle Loletta, 108e, donc quatrième ronde, tu me rappelles bien, par les Giants, ça, c'est à retenir. Là, je voudrais que tu enregistres cette chronique-là, puis on s'en reparlera dans 3 ans d'ici. OK. Ben, Garoppolo a passé le choix de deuxième ronde. Donc, c'est... Oui. Les Saints des Nouvelle-Orléans, ça, je me rappelle mardi, t'avais dit, jeudi, t'avais dit les Saints, surveillez-les, puis finalement, bon, s'avancer. On les a mis perdants. Oui, mais les Saints se sont avancés. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils se sont avancés, pas pour prendre un corps arrière, pour prendre Marcus Davenport. Écoute, je l'ai vu, Marcus Davenport. J'ai étudié quelques films parce que quand j'ai vu que les Saints gaspillaient un choix de première ronde l'année prochaine, je me suis dit, tabarnouche, il doit être vraiment spécial. J'ai vu les films, j'ai regardé le Senior Bowl pour voir sa performance. Effectivement, très impressionnant. Mais c'est le genre de choix que tu peux regretter plus tard parce que s'il se développe pas suffisamment, tu t'es investi 2 choix de première ronde pour un gars de même. J'avoue que c'est une petite université, c'est assez risqué. Effectivement. Donc, on va surveiller ça. Puis les Raiders d'Oakland, écoute, il y en a qui disent que John Gruden, il vit dans le passé. Ben, ça dépend des Raiders, là. Moi, je te dirais que c'est la l'équipe, là, que tu peux classer le repêchage comme... on l'appelle partout. Ouais, on peut dire la catégorie boom or bust, là. Soit qu'ils vont faire patate complètement ou ça va être une classe extraordinaire. À cause de deux noms, entre autres, Arden Key, lui qui met de la pression, l'ailier défensif qui met de la pression de LSU. Donc, un edge rusher, ça pourrait être un bon joueur, mais il y a des problèmes de caractère. Mais s'il se développe tel que prévu, ça pourrait être assez extraordinaire. Et ça, c'est un point d'interrogation. Ils l'ont repêché quand même relativement tardivement. Et Maurice Hurst, le plaqueur défensif de Michigan, moi, je le classe en première ronde. Il y a eu un problème, il y a une condition à son cœur qui a été diagnostiquée au Combine. Ça l'a fait reculer. Il y a des équipes qui l'ont enlevé complètement leur tableau. Mais les Raiders ont pris une chance en cinquième ronde. Honnêtement, c'est un choix de première ronde, ça. Ça fait que ça pourrait être vraiment une grosse casse pour les Raiders, mais pour l'instant, elle a le potentiel de faire patate. Hey, en terminant, Shaquin Griffin, il y a une belle histoire là-dessus. Le joueur amputé là, des Seahawks Seattle. Là, oui. Penses-tu que... Écoute, ça me fait penser à Jim Abbott. Je ne sais pas si tu te rappelles de Jim Abbott avec les Angels de la Californie, qui était un lanceur manchot, qui a eu une belle carrière. Là. Belle carrière, c'est pas un Hall of Fame, là, mais c'est une belle carrière. Penses-tu que Shaquin Griffin peut avoir une belle carrière aussi? Honnêtement, Danny, on fait abstraction du fait qu'il n'y a plus de bras, là. Okay? Ouais. Il n'y a pas de main, dans le fond, là. Il y a un bras, mais il n'y a pas de main. Si on fait abstraction de ça, ce gars-là, avec toute la production qu'il a eu à l'Université de Floride Centrale et les résultats au combine qu'il a eu, ce gars-là est repêché dans les 2 premières rondes. Okay? Okay. Là, il a été repêché 141e, donc 5e ronde, si je me rappelle bien. Tout ça parce qu'il n'y a pas de main. Honnêtement, on en parlait aujourd'hui, il disait que Shaquin Griffin a des possibilités dans le système des Seahawks de jouer, d'être le prochain Kim Chancellor, ce qui est pas rien. Alors, moi, je pense, Danny, que d'ailleurs, la classe des Seahawks, le repêchage des Seahawks, va passer par le succès de deux joueurs. Rashad Penny, qui est le 25e au total, le porteur de ballon, tout le monde dit qu'il est très, très bon, mais qu'il n'aurait jamais, il aurait jamais valu le 25e rang. Et Shaquin Griffin, 141. Ces deux joueurs-là fonctionnent comme on le prévoit, ça va être une très bonne classe pour les Seahawks, sinon ça va être un de leurs pires cauchemars. OK, Alexandre, on se reparle un autre tantôt, c'est sûr que là tu vas retourner hiverner, puis c'est Marc Dickey qui va reprendre son rôle au mois de septembre, mais on va se reparler quand l'actualité va le demander. Excellent, Alexandre, au plaisir. Notre collaborateur de la NFL.